Vous vous demandez sans doute comment on peut être condamné à un an de prison pour un film qui dit des choses ou qui montre des choses qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Eh bien, c'est qu'à l'époque, en 1950, les gouvernants français prenaient beaucoup de précautions pour qu'on ne puisse pas voir ces choses-là, ni en France, ni ailleurs. René Vautier. Le tournage a été assez mouvementé. D'abord, au bout d'une dizaine de jours, le gouverneur français de la colonie m'a appelé pour me dire que je ne filmais pas ce qui devait être filmé. On a discuté, on s'est disputé. Pour me dire que je ne filmais pas ce qui devait être filmé. On a discuté, on s'est disputé. Il m'a insulté, je l'ai giflé. Premier incident diplomatique. Première plainte de l'administration coloniale. Puis on m'a envoyé un gendarme pour me lire le règlement concernant les prises de vue cinématographiques dans les colonies françaises. C'était un monument. Je ne vais pas vous les faire lire par un gendarme, mais par notre script que les techniciens algériens de la RTA appellent Moussiba. Je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils doivent bien avoir leur raison. Article 8, titre 2. Toute personne désireuse de procéder à des prises de vue cinématographiques ou à des enregistrements sonores adressera une requête écrite au lieutenant-gouverneur de la colonie sur le territoire de laquelle elle se propose d'opérer. À cette requête, qui contiendra tous les renseignements utiles sur l'état civil et, s'il y a lieu, sur les références professionnelles de l'entrepreneur, celui-ci joindra le scénario qu'il projette de filmer. La commission de contrôle émettra, après examen, un avis sur l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée. Elle indiquera dans le premier cas s'il y a lieu de supprimer certains passages du film projeté. Article 9, titre 2. Si l'autorisation est accordée, l'entrepreneur fixera, après entente avec le chef de la circonscription administrative intéressée, le jour, le lieu et l'heure auquel il sera procédé aux prises de vue et aux enregistrements sonores, de telle sorte que le fonctionnaire susvisé ou son délégué puisse être sur place à effet de vérifier si l'opération réalisée est exactement conforme à celle qui a été autorisée. Titre 3. Ces prescriptions ne font pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent être prises par les chefs des circonscriptions administratives. Évidemment, j'ai répondu aux gendarmes que je refusais de me conformer à ce règlement, alors on a voulu m'expulser de Bamako. J'ai dû m'enfuir de l'hôtel par une fenêtre avec une caméra, de la pellicule, 300 francs CFA de l'époque et un ami géographe qui traînait la patte parce qu'une balle de revolver lui a traversé le mollet. Nous avons parcouru plus de 1000 km à pied, en pirogue, à cheval, de Bamako à Abidjan, en filmant ce que nous voyons, c'est-à-dire les traces de la répression coloniale. À Abidjan, j'ai été chez un des dirigeants de l'opposition au colonialisme français. Il s'appelait Oufoué Boigny. Il était alors dirigeant de l'opposition et il est devenu depuis président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai enregistré ce qu'il me disait sur la répression. Un commissaire de la police colonialiste a essayé de me confisquer mes bobines. J'ai cassé le bras du commissaire de police et j'ai dû m'enfuir d'Abidjan. J'ai été caché chez les Dogons et puis j'ai pu rentrer en France. Les bobines du film ont entièrement été saisies par la police au siège de la Ligue de l'enseignement. J'ai pu en voler à peu près le quart pendant qu'on m'interrogeait pour que je reconnaisse que je les avais tournées illégalement. J'ai fait le montage et cela a donné le film que vous avez vu tout à l'heure, Afrique 50, qui a eu le prix du meilleur film documentaire mondial de jeune réalisateur. Mais qui n'a jamais obtenu de visa d'exploitation en France. Bien sûr, je l'ai diffusé quand même pour tenter de faire comprendre aux jeunes Français ce qu'était le colonialisme, ce que l'on faisait en leur nom en Afrique. Micro ouvert. Allez, c'est parti. Peut-être comment on peut commencer. De toute façon, on a 50 minutes et on prend le temps, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien toujours un peu commencer de traviole, hein, parce que j'aime pas faire comme on fait habituellement dans les médias, où on décrit la personne en face, là, avec tous professeurs, auteurs, comme vous d'ailleurs, hein, vous êtes professeur, auteur, on va mieux en parler, mais c'est vous qui m'avez donné rendez-vous à Liège, et on est où alors ici? Vous pouvez un peu expliquer? C'est vous qui avez choisi cet endroit? Oui, ben, on est au parc d'Avroy, donc, qui était auparavant, donc jusqu'au 19e siècle, un lit de la Meuse, Donc la Meuse passait ici comme un filet. La Meuse en fait se dispersait complètement dans Liège auparavant. Et donc le parc d'Avroy est un des axes de la vie de Liège entre l'hypercentre et la gare, donc la gare principale. Et au milieu de cet hypercentre, au milieu de ce boulevard, il y a un endroit qu'on appelait quand j'étais petit Trink Hall, et puis qu'on n'a plus appelé comme ça pendant 60 ans, et puis que maintenant on appelle de nouveau le Trink Hall. Donc c'est donc un endroit à côté d'un kiosque de musique où on pouvait donc prendre un verre. Et maintenant, il est surtout animé par une association qui s'appelle Créativité et Handicap Mental, avec un musée des arts différenciés qui accueille toute une série d'œuvres d'artistes et qui permet à ces artistes de créer, donc qui ont un handicap mental. Et ce qui est très intéressant dans le musée, c'est à un moment donné la mise en parallèle d'œuvres de grands génies du XXe siècle, Miro, Picasso, etc., avec des œuvres créées à partir, par les handicapés mentaux, à partir de ces œuvres-là. Donc c'est assez intéressant de voir le dialogue qu'il propose entre l'art reconnu et largement marchandisé et l'art non marchandisé, voilà, etc., etc. Donc voilà, c'est un chouette endroit, je te trouve, en plein milieu de la ville, à côté d'un monument en hommage à la résistance de la guerre 40-45, il est là. Voilà, donc il y a deux groupes présentés en statuaire, donc la résistance armée et la résistance civile. Voilà, et donc voilà, c'est un endroit que j'aime bien parce que il est très vivant. Il est comment, vous avez dit ? Très vivant. Bon, moi j'ai un problème avec mon casque, mais on s'en fout. C'est-à-dire que j'ai pas le retour, mais je vois bien que tout enregistre bien. C'est mon casque. Pourtant, voilà. Alors, Pierre Verjean. Oui, ou Pierre Verjans. Dans la famille, on dit Pierre Verjans, parce que Verjans, c'est l'histoire de mon arrière-grand-père qui a quitté le Limbourg, une petite commune, Vleitigen, du côté de Tongres, et qui est venu travailler à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans les lamis noirs à Liège, et qui est mort assez rapidement, d'ailleurs, usé par le travail. Et puis voilà, donc c'est une famille qui a toujours prononcé son nom à la flamande. Okay. Voilà. Bon, Pierre, ça va si... je ne fais pas Pierre Verjean à chaque fois. Non, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème, évidemment. Bon, Pierre... On se rend compte parce qu'en fait, vous avez posté sur Facebook un petit article comme ça qui expliquait que vous alliez donner une conférence au mois de septembre, si j'ai bien compris, sur le thème « Obéir, désobéir ». Mais vous, c'était pas simplement « Obéir, désobéir », c'était aussi genre des grands personnages qui ont... Non ? C'était quelque chose comme ça ? J'ai pas dit les grands personnages, justement. J'ai... La phrase suivante, le sous-titre, c'était « Histoire de celles et ceux qui ont changé le monde ». Ouais, bah c'est... Non. Mais c'est vrai que c'est moi qui traduis... C'est juste l'inverse pour moi. « Celles et ceux qui ont changé le monde », c'est l'ensemble des humains. Si le monde a changé, c'est parce que les humains l'ont fait changer. Ah oui, j'imaginais pas des animaux, hein. Ah, il y a des interactions avec le monde animal et la nature autour de nous, bien sûr, qui ont aussi interagi avec l'humanité. Mais je pense que l'essentiel quand même des changements dans la société viennent des humains, effectivement. Mais voilà, on ne se connaît pas. Et moi, c'est ce poste-là qui m'a donné envie de vous rencontrer. Parce que, tiens, je me demande comment ce monsieur, donc vous, Pierre Verjean, Pierre Verjans. Moi, j'aime bien dire Pierre Verjean, en fait. Hein. Ça ne vous dérange pas ? Non, je m'en fous. Je veux dire, quand je vais en France, ils ne savent pas le prononcer autrement, déjà. Si je vais en Espagne, ça devient Berhans. En Russie, c'est encore plus drôle. Donc, voilà. Donc, non, c'est un nom de famille difficile à prononcer pour la plupart des gens normaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas flamands. Donc, J'ai perdu mon fil maintenant. Et donc l'idée, oui, c'était de vous rencontrer. On ne se connaît pas. Et du coup, j'ai été un petit peu voir qui vous étiez. Mais c'est toujours mieux de discuter en vrai. Mais on dit que vous êtes professeur à l'Université de Liège. C'est vrai? Oui. Enfin, je suis... pour le moment, je pense que j'ai un titre de professeur associé, ce qui ne veut rien dire du tout. Et j'ai été chargé de cours pendant une quinzaine d'années. Vous n'êtes plus? Non, je suis pensionné donc, depuis 3 ans. Mais j'ai continué à donner cours pendant encore quelques temps pour le département de sciences politiques parce qu'en en fait, il manquait de personnel, tout simplement. Et vous donniez cours de quoi, alors, du coup? Bah, je donnais beaucoup de cours de politique belge. Mais les cours qui m'intéressaient le plus, c'était, je dirais, la sociologie historique du politique. Donc essayer de voir à travers les temps et dans les différents espaces comment les sociétés étaient gérées. Donc qui arrivait au pouvoir, ce qu'il avait les moyens de faire quand il arrivait au pouvoir, quel type de politique était menée et comment ça se justifiait. Et donc c'est une branche de l'histoire qui est vraiment passionnante, enfin qui moi en tout cas me passionne, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par l'anatomie et ils ont raison. Hein. mais donc voilà, c'est une branche de l'histoire qui moi me passionne et il me semblait que il y avait moyen de continuer à utiliser ce savoir-là dans cette association d'éducation permanente qui est l'association qui va m'accueillir à Herve l'année qui vient. Ah oui, d'accord. Parce que là, oui, donc vous êtes politologue, en fait, c'est ça? On le dit, c'est noté. Oui, tout à fait. Oui. Et donc vous donnez des cours de politologie? Oui, de sciences politiques, quoi, c'est ça que ça veut dire. Oui, parce que... Enfin, on a toujours peur que politologie, les gens ne croient que ça veut dire qu'on apprend aux enfants à être polis. C'est pas ça que je veux dire, c'est la science politique, simplement. Oui. Et donc, vous avez aussi écrit un livre. Ah, bon, après, on arrête. Et ce livre, vous êtes auteur? Tout seul? Co-auteur. En fait, je l'ai écrit avec deux personnes qui avaient travaillé avec moi et qui m'avaient aidé, forcé, poussé, enfin, qui avaient réussi à ce qu'on en sorte un texte écrit. Et donc, c'était basé sur un cours que je donnais à l'époque qui s'appelait « Doctrine et pratique politique ». Et ce cours me permettait d'essayer de montrer les différents aspects de la politique, je dirais, qui ont été traités par les dirigeants et comment les dirigeants ont à la fois subi l'influence des règles précédentes et à la fois on subit l'influence des mouvements sociaux. Oh, donc, là, on comprend rien, excuse-moi. c'est trop le flou artistique, là. Si c'est moi, mais... Oula. Mais on va démarrer comme ça. Obéir, désobéir avec ceux et celles qui ont changé, le monde, les choses. Moi, je vous laisse un peu présenter... Vous pensez à qui on a envie de dire, comment vous avez... Oui, c'est ça. Vous pensez à qui quand vous pensez à ceux et celles qui ont changé le monde? L'auteur qui m'a peut-être allumé la mèche pour que je fabrique un cours comme ça, puisque ça va être une petite vingtaine de conférences, en fait. Ah ouais? Donc l'auteur qui m'a allumé la mèche, c'est Tissiou Lecoq, une historienne française qui a pas mal travaillé, une féministe qui a pas mal travaillé sur le statut des hommes et des femmes. Et dans un bouquin qui fait un effet de mise en page comme ça, qui apparaît d'abord en ayant comme titre « Le grand oubli », et puis si vous regardez mieux, vous voyez qu'il y a un féminin pluriel après grand et après oubli, ça devenait les grandes oubliées. Et donc effectivement, elle mettait en évidence le rôle de toute une série de femmes qui sont intervenues dans l'histoire et comment on a réussi à oublier ça. Et donc c'est à partir de là que je m'étais dit, mais ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les ouvriers, C'est vrai pour les enfants des colonies, c'est vrai, voilà, c'est vrai pour toute une série de gens. On n'en a pas parlé et c'est pourtant eux qui fabriquent le monde. Pourquoi vous parlez des enfants des colonies? Là, je ne comprends pas. Pourquoi les enfants des colonies? Ben, parce qu'une fois qu'on arrive dans les colonies, au 19e siècle, ben, on domine les adultes par les armes et on apprend aux enfants à obéir à celui qui a les armes. Et donc après, ils deviennent les enfants des colonies, oui. Mais c'est autant les adultes, hein. Je ne dis pas que... Je ne comprends pas bien. Les adultes ne sont pas exclus, simplement ceux qui m'intéressent maintenant, c'est vous parlez bien des colonisés, là. Oui, bien sûr. Pas des colons, quoi. Oui, bien sûr, mais les colons eux-mêmes ont été transformés par le fait de coloniser quelque chose, hein. Ils se sont endurcis, ou bien certains sont devenus plus humains, ça arrive, hein. Il y a eu un auteur néerlandais célèbre, hein, Max Havelaar, hein, qui a écrit... un bouquin qui s'appelait Multatuli, et qui est une histoire... Victime de... Ah, j'ai perdu le... Des victimes qui sont allées faire... excusez-moi, je perds mon fil. Multatuli... Enfin, je ne sais pas ce que vous vouliez dire, donc, mais Multatuli, c'est l'histoire de comment l'Indonésie, sous la coupole, sous la tutelle, sous la colonie hollandaise, est devenue une machine à fabriquer de la plus-value pour les Pays-Bas. Et donc, comment on fait travailler? Et il se penche essentiellement, plutôt que sur des cultures symboliques fortes comme le tabac, etc., il se penche plutôt sur une culture de base qui est le riz. Et donc, comment les gouverneurs hollandais des colonies indonésiennes domptent en fait la population locale en utilisant les rapports de force locaux, en utilisant la force militaire, etc. etc. Donc c'est passionnant, c'est un bouquin qui a été écrit dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a eu un succès aux Pays-Bas et qui a été qui est toujours utilisé maintenant, hein. Max Havelaar, c'est toujours le nom d'une association qui essaye de faire reconnaître un commerce plus équitable dans le monde. Ok, mais j'avoue que je suis un peu perdue là, parce qu'on part... moi, je parlais des enfants... on parlait des enfants, et moi, je vous posais la question, mais pourquoi les enfants? Parce que les colonisés, c'est tout un peuple, quoi, c'est pas simplement les enfants. C'est ça que je comprends, j'ai du mal à... Bon, j'essaye de vous suivre, hein, mais continuons un peu l'intitulé de ce obéir, désobéir, je vous laisse continuer, parce que... Mais votre difficulté à comprendre le fait que j'ai utilisé les enfants vient peut-être du fait que moi je me place en 2024. Ah ben moi aussi, hein, suis en 2024, vous abordez les femmes, on apprend, là maintenant j'apprends, parce que c'est pas du tout noté dans votre petit article de présentation, on apprend que là c'est plutôt les femmes du coup que vous allez... Non, pas du tout. Les femmes et les enfants, non? Et c'est les pas adultes ça. Et les hommes, oui, tout à fait, okay. les adultes, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui n'en ont pas. C'est ça qui est intéressant, je veux dire, quand on regarde une société dans son ensemble, c'est que qui transforme le monde? Tout le monde. Attendez, parce que là, pour pas qu'on s'égare et avec le temps, mais vous parlez du monde ici... Parce que c'est ça aussi, on a une vision eurocentrée, vous parlez de quoi exactement? Parce que sinon c'est trop vaste, trop compliqué, quoi. Parce que si vous parlez des femmes, des hommes et des enfants, d'où vous parlez en fait, vous voyez, en 2024? Donc Oui, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Ça ne devrait pas être dit avec des mots. Ça devrait être simplement montré. Quoi ça? L'évolution du monde, comment le monde a changé, comment chaque interaction humaine modifie le monde. Comment chaque pensée, chaque parole, chaque geste transforme le monde. Je vous suis, mais je veux dire, c'est non, pas... C'est... Vous dites... J'essaye de rentrer dans votre univers pour comprendre ce que vous voulez dire, mais je veux dire, quand vous parlez comme ça, ça fait comme si on était des êtres flottants. Je veux dire, il y a quand même des rapports de voix, de force. Vous qui êtes politologue, il y a des États qui sont nés, il y a une économie qui est là. Enfin, voilà, c'est pas simplement chaque... c'est comme si vous faisiez un peu de la philosophie, quoi. Mais j'entends bien, oui, chaque acte que l'on pose, mais chaque acte, pourquoi, comment, qui l'a décidé. Vous voyez, c'est d'autres questions encore. Mais c'est tout le temps ces questions-là qu'il faut poser, le rapport de force, bien sûr. C'est une question qui est permanente. Si on veut comprendre comment le monde a été construit. Je dis bien le monde, effectivement, parce que je garde une vue d'ensemble complètement, oui. Ce monde-ci dans lequel nous vivons, ou sur lequel nous vivons, puisqu'on est sur une toute petite couche de la planète Terre, comment le monde a évolué. Et là, c'est vrai que c'est tout le temps dans les rapports de force. Mais il ne faut pas croire que les dominants ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Et jamais, jamais les dominants n'ont pu faire ce qu'ils voulaient. Ils se sont toujours plaints de la résistance des dominés. Que ce soit une résistance active, organisée, parfois violente, ou que ce soit une résistance passive, lente, etc., etc. Les dominants se sont toujours plaints de la réaction. La résistance, quoi, ouais, ouais. De la résistance des dominés. Bah, heureusement, dites, parce que sinon, ce serait trop facile. Ben, c'est ça qui est intéressant dans... Je trouve, c'est ça qui m'intéresse dans ce que j'ai envie de raconter, c'est que les projets de ceux qui avaient des projets à long terme ne se sont jamais réalisés comme tels. Vous parlez de qui, là? Parce que sinon, on perd. Bah, qui c'est qui, en fait? Bah, je pense à ceux qui ont organisé le commerce triangulaire entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui faisait que... On partait d'Europe avec des bateaux remplis de verroteries, vraiment des verroteries, hein, je veux dire, c'est au sens physique du terme. Donc c'est des petits morceaux de verre colorés, quoi, qu'on allait offrir à des dirigeants africains pour qu'ils vendent les enfants de leurs voisins comme esclaves. Puis on transportait ces gens-là dans des conditions effroyables. Et on ramenait les survivants sur la côte américaine, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Et puis, les gens étaient obligés de travailler dans dans toute une série de productions agricoles, hein, que ce soit du café jusqu'au coton. Il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, tout le monde le connaît. Tout le monde la connaît, cette histoire-là. Et donc, les projets de ceux qui étaient les armateurs des bateaux, et qui avaient de l'argent pour faire circuler ces bateaux et qui se faisaient de l'argent, ont toujours été contrés, que ce soit par des concurrents ou par les gens avec qui ils discutaient. Et donc ils devaient tout le temps s'adapter. Donc le projet a toujours été modifié. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'histoire humaine, c'est que y a aucun projet qui s'est jamais réalisé, parce que chaque fois il a dû être confronté à la réalité et donc il a dû s'adapter. Et vous pensez à quoi précisément quand vous dites il n'y a pas de projet qui s'est réalisé? Il y a quand même eu l'esclavage qui s'est réalisé, il y a quand même eu... Mais le projet n'était pas l'esclavage, le projet était le profit. On est en plein cœur dedans, là. Hein. On continue, quoi, c'est la suite. On dit que, par exemple, il n'y aurait plus de colonies, ou les colonies continuent sous un autre nom, sous une autre forme. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas, parce que vous dites on est en 2024 maintenant, oui on est en 2024, mais l'esclavage s'est transformé, regardons sérieusement comment nous vivons, et encore, je pense que nous on est des privilégiés, mais il y a plein de gens qui continuent à travailler 8 heures par jour. 8 heures, vous rigolez? Il y en a beaucoup qui travaillent 16 heures par jour, oui. Oui, enfin... Dans les usines qui fabriquent les produits électroniques que nous utilisons tous les jours, c'est-à-dire dans le sud-est de la Chine, hein, donc dans ce qu'on appelle la baie de la rivière. Moi, je parlais plus ici, mais OK, on parle là-bas. Non, mais là, c'est 16 heures par jour. Et c'est 8 heures... Et c'est 7 jours sur 7. Hein. Je veux dire, voilà, donc c'est pas... Ces conditions-là, elles existent. Mais, malgré tout, dans ces endroits-là, je parle des endroits les plus durs du capitalisme chinois. Dans ces endroits-là, le nombre de jours de grève est extraordinairement élevé. Pas des grèves organisées avec des syndicats structurés, des grèves spontanées parce que les gens sont à bout et ils résistent. Et donc les capitalistes locaux qui promettent aux capitalistes des GAFAM, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui leur promettent des profits énormes parce qu'ils vont produire avec une main-d'œuvre qui ne coûte presque rien, ces projets-là sont tout le temps contrecarrés. Parce qu'il y a de la résistance locale, parce qu'il y a de la résistance, à un moment donné, de gens qui n'en peuvent plus. Et donc, je veux dire, cette résistance-là, elle change le monde. Il y a eu, à partir de 2013, des capitalistes qui ont transporté leur investissement qui était en Chine et ils l'ont amené au Mexique parce que le taux de profit était supérieur, parce que les Mexicains obéissaient mieux que les Chinois. Donc, je veux dire, il y a tout le temps de la résistance. Il n'y a jamais quelqu'un qui est au sommet, qui décide que et qui fait que. Non, il essaye de décider. Il essaye de gagner du profit. Et évidemment, maintenant, les GAFAM sont ceux qui sont au sommet de la vague. Mais ils sont déjà dépassés maintenant par Nvidia. Nvidia est en train de faire une capitalisation qui est supérieure à tous les GAFAM ensemble. C'est quoi ça? C'est le fabricant de microprocesseurs. Vindia? Nvidia. Vida? Nvidia. Quoi, les Chinois? Non, c'est... Là, j'ai perdu un peu le fil quand vous dites ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le capitalisme se transforme tout le temps. Le monde se transforme tout le temps. L'histoire a été tout le temps transformée. Et les gens qui croyaient qu'ils avaient le pouvoir pour un certain temps ont tout le temps été dépassés. Vous pensez à qui précisément? À tout le monde. À Rockefeller. Prenons Rockefeller. Rockefeller commence à devenir riche quand il comprend que... il y a moyen de se faire énormément d'argent avec le pétrole. Donc, vous voulez une explication, je vous la donne. Si vous me donnez une explication, vous avez toute la place, mais je veux dire, non, c'est, moi ce que je perds, je donne un cas précis. Je perds, c'est quand vous parlez de gens super puissants et de gens qui sont au, enfin, voilà, on parle pas de même puissance de gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les gens ne se valent évidemment que profondément. Moi, je pense que tous les gens se valent, mais là, vous parlez de super puissants avec un capital déjà énorme, quoi. Oui. Alors donc ils peuvent décider plus facilement de choses et dessiner le monde un peu comme ils veulent, vous voyez. C'est là, moi, mais que non, je perds un non, peu. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est jamais comme ils veulent, c'est ça que je veux dire. Ce n'est jamais, ils essayent évidemment de gagner plus, et évidemment vous avez raison de dire qu'ils gagnent beaucoup plus que beaucoup d'autres, ça c'est certain. Tout simplement, moi je suis là pour vous écouter, hein, mais on est là aussi pour regarder le monde, regarder ici maintenant, je veux dire. Moi, c'est pas moi qui ai décidé que tout autour de Spark il n'y avait que des bagnoles, hein. Qu'il y avait des maisons comme ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Hein, je veux dire par là que ceux qui ont un capital, ils ont plus facile à dessiner le monde comme ils veulent, eux, que comme une majorité de gens voudraient aussi. Vous voyez, c'est souvent une minorité qui tient le capital. Parce que, selon moi, après, on peut discuter, hein, mais j'invente rien, je veux dire... Ils volent le travail. Je ne comprends pas du tout dans ce que vous me dites. Vous faites comme si ce que vous disiez était en contradiction avec ce que nous disons exactement la même chose. Non, je me perds quand vous dites... C'est comme si ceux d'en haut et ceux d'en bas, c'était les mêmes, les gens... Non, pas du tout. Alors, moi, je me perds un peu parce que... Non, ce ne sont pas du tout les mêmes rapports de pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que ceux d'en bas ont une puissance d'agir que souvent, ils méconnaissent. Et c'est important de parler des jours de grève en Chine maintenant en 2024, parce que la plupart des gens ne le savent pas, et la plupart des gens ne savent pas qu'en Chine, il y a des mouvements de résistance, pas organisés, pas structurés, pas institutionnalisés. Il y a des gens qui résistent. Et je veux dire, et ces gens-là, évidemment, sont moins puissants que les gens qui leur imposent de travailler dans ces conditions-là. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train... Quand je parlais de Rockefeller, ce que je voulais donner comme exemple, parce que vous me demandiez un caprice ici, prenons le caprice de Rockefeller. Rockefeller, à un moment donné, se dit, OK, la richesse maintenant, c'est le charbon et l'acier. Bon, l'acier, je ne vais pas m'en occuper. Le charbon, ouais, c'est une énergie intéressante. Vous alliez me parler du pétrole, moi, de la découverte du pétrole, mais bon. Mais c'est de ça que je vous, c'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Non, le charbon, ça va être dépassé. Et effectivement, on commence à ce moment-là à commencer à organiser la distillation, le travail chimique sur le pétrole qui permet de sortir l'essence, presque au sens alchimique du terme, hein, donc qui permet d'avoir un pouvoir d'explosion sans commune mesure. À partir de là, une série de gens vont travailler sur ce qu'on va appeler les moteurs à explosion. Et alors, effectivement, on va avoir les investissements de Rockefeller qui vont commencer à être super rentables. Conclusion, quand on va passer du charbon comme énergie principale au pétrole comme énergie principale, il sera le tout premier. Et il va se faire pognon de dingue, pour reprendre l'expression d'un président de la République d'un pays voisin que je ne veux pas citer. Et donc, effectivement, il est, quand il commence, à contresens des capitalistes qui sont au pouvoir à ce moment-là. Puisque lui, il pense et il met de l'argent dans un secteur qui, pour eux, est un secteur perdu. Et alors, il devient une puissance, et alors sa puissance provoque une réaction. Il y a, dans les 20 années qui suivent sa montée en puissance, des lois antitrust qui sont votées, qui obligent Rockefeller à séparer ses entreprises. Il récupère quand même le pouvoir autrement, etc. Mais il est obligé de se transformer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, je veux dire, il n'y a jamais eu une histoire linéaire avec des hommes qui avaient des projets qu'ils savaient réaliser. Il y a toujours eu des éléments contrecarrés dans leur volonté. Et donc, quand je vous disais que je voulais parler, ce dont je veux parler dans mon cours, c'est de la puissance des sans-puissance. Il n'y a pas de gens qui sont absolument impuissants. Tout le monde a une part de puissance. Et je suis d'accord avec vous, il y en a qui en ont très très peu. Et qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ça ne changera presque rien au système. C'est vrai, il y a eu des tas de situations comme ça. Mais en même temps, c'est important de dire aux gens que, comme vous disiez, l'environnement dans lequel nous sommes ici, dans une ville capitaliste de l'Europe occidentale, etc., l'environnement, il a été décidé par qui ? Par le pouvoir politique qui a fait des règles urbanistiques qui n'existaient pas il y a 70 ans. Hein. Ça n'existait pas, les règles urbanistiques, il y a 70 ans. Hein. Tout simplement. Ah, ouais. Ah non, l'urbanisme... Ah non, non, non, l'urbanisme commence à se mettre en place, je dirais, tout doucement, dans l'entre-deux-guerres. On commence à y penser. Mais alors on peut dire, non, il y avait déjà des plans avec Haussmann à Paris, etc., etc. Mais c'était juste pour le cœur de la ville. Hein. C'était pas pour penser l'habitat général. Hein. Donc c'était... voilà, bon. Donc on peut dire, c'est vrai que c'était plus ancien, mais c'était juste très parcellaire ce qu'il voulait faire. C'était pas l'ensemble du territoire qui allait être urbanisé et pas l'ensemble du territoire qui était pensé suivant des logiques d'urbanisme. Donc d'une part les politiques. Politiques influencées évidemment par tous les entrepreneurs et par les électeurs. Et on ne peut pas mettre les deux à égalité, certains sont plus puissants que d'autres. Okay ? Alors à côté de ça, il y a les consommateurs. On oublie toujours dans l'histoire du capitalisme le consommateur. Mais moi, justement, là, quand on commence à parler des consommateurs, on devrait parler, avant qu'ils ne deviennent consommateurs, de ce qu'ils étaient. Ils étaient quoi avant qu'ils deviennent consommateurs? Je vous pose la question pour voir... Ben, ils étaient producteurs. Avant d'être consommateurs, c'était eux qui devaient tout produire. Le consommateur, c'est celui qui est dans une situation d'acheter un bien qu'auparavant, il était obligé de fabriquer lui-même. Pourquoi obligé ? Parce que je vais prendre une situation qu'on voit encore dans certains sites villageois en Espagne à l'heure actuelle. Des villages abandonnés. Oui, hein? Mais est-ce que... Non, mais attendez, je vous donne un exemple. Oui, mais je veux dire, est-ce que... Laissez-moi répondre à votre question. Si vous me reposez une question... Mais moi, je dis juste, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller parler aujourd'hui d'un village abandonné pour refaire le parallèle des gens avant la consommation? On ne peut pas reprendre... Voyez. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Si vous me laissez donner l'exemple, vous comprendrez. Mais je vais vous laisser donner l'exemple, mais ça n'empêche pas que je puisse aussi donner mon avis là-dessus. Mais allez-y. Vous ne me donnez pas votre avis, vous donnez votre avis sur un truc que vous n'avez pas entendu. Donc vous ne savez pas donner votre avis. Oui, parce que moi, je comptais aller dans une autre direction. Mais allez-y alors, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu à limite. Allez-y, je vais vous laisser parler. N'ayez pas peur. Avant... Je vais prendre un autre appareil que celui dont je voulais vous parler, qui était pourtant super intéressant. L'appareil dont je voulais vous parler, c'était la cuillère en bois. Okay. Obligé de produire, c'est ça, c'était ça ma question. Exactement. Hein. Alors, à partir du moment où le système mimétique, donc l'imitation des classes supérieures par les classes inférieures, en gros. L'imitation des classes supérieures sur les classes inférieures, ça donne quoi exactement là ? Par les classes inférieures, ça veut dire que... Les gens d'en bas veulent ressembler à ceux d'en haut ? Les gens d'en bas aimeraient bien avoir ce que les gens d'en haut ont. Eh ben moi là-dessus, attendez, petite parenthèse, parce que vous allez venir... C'est qu'à la base, les gens d'en bas n'ont pas forcément besoin, n'ont pas besoin d'imiter ceux d'en haut. Ils étaient fiers d'être ce qu'ils étaient, absolument. Ils avaient un savoir-faire, etc. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ah ben, je suis contente qu'on soit d'accord. Et en même temps qu'ils étaient autosuffisants et qu'ils n'avaient pas besoin, ils avaient envie. Et alors, si vous lisez un travail d'un sociologue qui, dans ce livre-là, est presque lisible, Pierre Bourdieu, dans La Distinction, il montre effectivement qu'il y a, entre les différentes classes sociales, des stratégies conflictuelles pour essayer de voir ce qu'est la bonne pratique. Et par exemple, la bonne pratique dans l'art. Donc on quitte complètement l'exemple que je voulais vous donner, hein, et le deuxième exemple auquel j'avais pensé, mais puisque vous me confrontez avec le besoin, le rapport entre le besoin et l'envie, je reviens à ça. Et effectivement, on peut retracer l'histoire, il a écrit ce bouquin-là en 1980, vous pouvez retracer l'histoire du XXe siècle en termes d'art, comme étant une sorte de fuite de la classe dominante vers une forme d'art qui n'est plus acceptable pour elle, la classe dominante, parce que la classe petite bourgeoise commence à utiliser les mêmes pratiques et à aller regarder les mêmes tableaux et à aller faire des copies des mêmes tableaux. À ce moment-là, ils vont vers un autre art, l'art abstrait, des choses comme ça. À ce moment-là, les couches supérieures, les dominants veulent se distinguer. Voilà. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que les classes de la petite bourgeoisie, si on veut, continuent à imiter les classes dominantes avec du retard, et la classe ouvrière imite la petite bourgeoisie avec du retard. Et en même temps, vous avez raison de dire qu'il y a des résistances fortes et de gens, et ça c'est un des éléments qui est présent dans la sociologie concrète, hein, et Bourdieu le montre, hein, c'est qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais nous, les ouvriers, on n'a pas besoin d'aller voir les tableaux dans les musées. On est comme ça. » Et par exemple, une grande partie de la fierté des ouvriers, que ce soit dans... On a parlé tout à l'heure, entre nous, avant l'émission, des jardins collectifs des ouvriers, ou que ce soit dans leurs travaux de bricolage à la maison. Une des grandes fiertés, c'est leur autonomie, qu'elle soit individuelle, familiale ou collective. Ça peut être du village, autonomie du village, qui peut construire une maison pour un habitant du village. Et donc, cette autonomie-là, elle est importante. Et en même temps, elle est au fur et à mesure dépassée par cette logique de consommation. Mais c'est là qu'on en revient au même, hein, quand vous dites elle est dépassée par cette logique. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas qu'elle est dépassée, c'est que, pour caricaturer de nouveau, hein, les dominants... cassent leur manière de vivre pour qu'ils aillent travailler à l'usine. Sinon, les gens étaient autonomes, vivaient de leur potager, de leur chasse et construisaient des choses pour le voisin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'avaient pas besoin. C'est là que je me perds, quoi. Et c'est là qu'on tourne un peu en rond, parce que quand on dit... Je vois ce que vous voulez dire et je pense que vous vous trompez en partie. C'est en partie vrai et en partie faux. Ce qui est en partie... Via mes lectures, oui, mais moi aussi, s'il y a une volonté d'en haut de casser le bas pour qu'il... Pour qu'il n'y ait plus de solidarité, pour qu'il n'y ait plus d'autonomie, pour que justement ils puissent devenir... Nous puissions devenir de la consommation, des consommateurs et qu'on aille acheter dans les magasins. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai sucé de bon doigt, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, mais bon. Voilà. Donc, je... Il y a 35 minutes. Oui, mais c'est... 40 minutes. Oui, donc il reste 10 minutes. Oui, mais ça va, c'est pas gênant. Je veux dire, on peut parler juste de ce dont on vient de parler. Hein. Et c'est pour ça que je reprends l'exemple de la cuillère en bois. Dans plusieurs des villages abandonnés en Espagne, si vous lisez des travaux d'historiens... Des villages aujourd'hui abandonnés ? Aujourd'hui abandonnés en 2024. Si vous lisez les travaux d'historiens locaux, on vous présente « Ah ben ce village-là, il était connu parce que c'était des fabricants de cuillères en bois. » Et donc, en fait, ça voulait déjà dire que par rapport au siècle précédent, les gens utilisaient des cuillères et ils considéraient que le bois venant de tel endroit était plus solide, plus résistant à l'usure, plus résistant à la moisissure que ceux qui pouvaient fabriquer chez eux. Donc il y a eu déjà une spécialisation dans le choix du bois. Et ça voulait dire que les gens ne fabriquaient plus tous leurs cuillères en bois. Fabriquer une cuillère en bois, ça demande du temps. Ça demande une expérience particulière. Il faut pouvoir utiliser le ciseau à bois, il faut pouvoir creuser la cuillère, il faut tester les différentes qu'est-ce sortes... Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Parce que, venons au fait. Mais je ne peux pas venir au fait sans placer les faits. Okay. Avant le fait, il faut les faits. Donc les faits, c'est que ça s'apprend. Et quand je vous disais que le consommateur, avant c'était un producteur, il produisait lui-même sa cuillère en bois. Et à un moment donné, on a fabriqué des cuillères en bois, et pour ça, il fallait passer ou par le troc ou... Et c'était devenu beaucoup plus facile, puisqu'il y avait l'argent de la couronne qui circulait, par l'argent comme moyen d'échange. Et si on veut avoir de l'argent pour acheter une cuillère en bois, il faut réussir à rentrer dans le système de production. Et une fois que les cuillères en bois ont été dépassées, parce que les gens ont vite aperçu que quand on avait des cuillères en métal, même si c'était du fer blanc, et même s'ils n'étaient pas très résistants par rapport à nos critères de maintenant... par rapport aux critères de la cuillère en bois, ils étaient drôlement plus performants. Et donc, ils se sont dit, mais tout compte fait, on ne va plus utiliser les cuillères en bois, on va utiliser des cuillères métalliques, parce qu'elles tiennent mieux. Et donc, il devient celui qui était, celui dont les arrière-grands-parents étaient producteurs de cuillères en bois, devient un acheteur de cuillères. Et je dirais, c'est comme ça dans tous les systèmes. Le téléphone portable, c'est la même chose. Avant, qu'est-ce que vous faisiez ? Ben, vous écriviez une lettre. Vous pouvez non, toujours... Encore avant. Oui, mais... On parlait, c'était la mémoire orale, quoi. Oui, mais attendez, si on voulait... Non, mais on ne peut pas la minimiser. Non, bien sûr, je ne veux pas du tout la minimiser, elle est super importante, mais... Parce que l'écriture, elle a amené aussi le fait qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire, enfin, c'est toute une histoire, on peut pas... L'écriture montre bien une logique, effectivement, de classe sociale. C'est d'abord l'écriture. 10% en Belgique de gens qui ne savent pas lire et écrire. Oui, et ça, c'est quasiment constant depuis 1900, en fait. Hein. Je ne sais rien, ça. Ça, j'en sais rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Non, mais ça, je peux le dire. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que à l'armée, ça, c'est un bon test, hein, à l'armée ou le service militaire est en Belgique obligatoire depuis 1907, hein, il y avait systématiquement... dans les régiments de jeunes qui commençaient qui faisaient leur service militaire, sur un groupe de 3000 miliciens, les officiers savaient qu'ils pouvaient dégager une classe d'une trentaine de jeunes qui avaient l'âge d'être sortis de l'école obligatoire et qui ne savaient ni lire ni écrire. Et donc ils utilisaient un des instituteurs qui était dans les 3000 pour former ces gens-là. Et ce chiffre-là est... horriblement stable. Vous avez bien fait de le signaler. C'est un chiffre qui est horriblement stable. On a toujours maintenant, sans parler alors des analphabètes fonctionnels, hein, des gens qui savent lire et écrire, mais qui ne comprennent pas le sens des mots que vous aviez raison de rire de moi tout à l'heure, qu'un prof d'UNIF utilise, ou qu'un formulaire administratif utilise. Hein. Et donc, effectivement, là, on a des analphabètes fonctionnels qui sont impressionnants. Donc, je ne suis pas du tout en train de nier la différence entre classes sociales. Je ne suis pas du tout en train de nier la résistance populaire aux différents modes de capitalisation ou de marchandisation de sa vie. Ce que je dis, c'est que le capitalisme à avancer avec des résistances et avec, au fur et à mesure, des adhésions. Je suis d'accord avec vous, mais regardez où on en est aujourd'hui. Regardez comment, comment le monde a changé depuis... On a transformé le monde de telle manière que on rende la vie invivable pour à peu près la moitié de la planète dans 50 ans. Oui, mais même aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'être dans 50 ans. Je veux dire, regardez toutes ces voitures qui tournent autour. Enfin, voilà. Vous avez déjà vu des images comme ça, photographiques, je ne sais plus, c'est à Los Angeles, toutes ces autoroutes qui se croisent, tout ce macadam. Oui, deux très beaux films qui avaient été faits à partir de noms d'Indiens d'Amérique du Nord, là, Powakatsi et Koyanakatsi, qui montraient effectivement la vie absurde que nous menions. Et un des plus beaux exemples d'images que ceux que vous venez d'évoquer fait naître dans ma tête, c'est l'image vue d'hélicoptère d'une autoroute où vous avez des surfreinages, donc des voitures qui surfreinent, et vous avez tout d'un coup comme un amas de voitures, et puis hop, à un moment donné, le redémarrage se fait, et puis ça se resurfreine 3 km plus loin, et ça apparaît juste comme absurde. Donc je veux dire, je ne suis pas en train de dire que le monde va bien. Mais j'ai pas dit ça. Hein. Donc je suis pas en train de dire que tout s'est bien passé à tout moment. Et c'est l'inverse. Et c'est pour ça que je voulais justement parler du fait que construire le monde, ce n'est pas simplement l'histoire de quelques personnalités au sommet, c'est l'histoire de résistance populaire, de participation populaire, de voilà. Et donc c'est toute cette logique binaire qui est cassée parce que les gens sont en même temps réticents et en même temps ils adhèrent. Combien de gens dans notre monde souhaitent ne pas avoir de téléphone portable et se sentent obligés d'en avoir un? Parce que pour communiquer à l'heure actuelle, dans la vitesse que nous avons adoptée depuis... Mais ce n'est pas nous qui avons adopté cette vitesse, c'est ça. Et souvent, quand j'entendais encore une émission hier de radio, toujours cette question de dire, est-ce que ce sont les gens ou bien c'est les politiques menées? Mais si on réfléchit bien et si on regarde l'histoire et qu'on lit beaucoup aussi, quoi, hein, je veux dire, moi, je ne le suce pas de mon doigt, mais les gens, le monsieur, madame, tout le monde... Ils souhaitent pas ce monde dans lequel c'est par en haut qu'ils ont imposé ça. Et puis après, c'est comme l'histoire des gilets jaunes avec la taxe sur le carburant et le fait qu'ils soient obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser. Vous voyez, c'est toutes ces contradictions-là. Le téléphone, on dit qu'il n'est pas obligatoire, mais tout passe par le téléphone maintenant. Je veux dire, les guichets de banque sont amenés à disparaître. À un moment donné, il faut regarder les choses en face, quoi. Je veux dire, si monsieur, madame, tout le monde... Je dis monsieur, madame, tout le monde parce que les gens n'ont pas les moyens, comme ça, de dessiner le monde avec leurs envies, quoi. Donc ça reste très... J'arrive plus à trouver le terme, mais personne attendez... Personne n'a les moyens de dessiner le monde. Ça reste... Mais si non. Les puissants dessinent le monde comme ils veulent, mais par si, exemple, mais là vous vous trompez. Le plus gros investisseur boursier en 2005, Apple, décide de fabriquer des lunettes connectées qui vont changer complètement la pratique. Ah ben oui, des fois ça marche pas. Ah ben voilà. Mais des fois ça marche. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que les consommateurs ont dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez la suite. Ça marche pas toujours du premier coup. Voilà. Mais qui c'est qui l'a créé, cette connerie-là? C'est ça que je veux dire, monsieur, madame, s'en foutent. Ce qui compte, c'est protéger les petits, ne pas avoir la pluie sur la tête et avoir à manger. Basta, tu vois, ils commencent pas à faire des plans. Tiens, je vais essayer de vendre, je sais pas tout quoi... Voilà, c'est ça que je dis, moi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais que je suis d'accord avec vous. Non, mais oui, il y a cette idée... C'est ça que je trouve... Vous allez réécouter. C'est ça que je trouve génial dans... Parce que si on était d'accord, du coup, on passera à une discussion autre que celle qui est... Ben non, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est là-haut que ça se passe aussi. Alors, là-haut... Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas un lieu de pouvoir. Ce sont des lieux concurrentiels entre eux, de gens qui veulent s'entretuer, mais qui ne peuvent pas le faire. Et ce ne sont pas les politiques... C'est une croyance. Et ce ne sont pas les politiques qui imposent ça. Le téléphone portable n'est pas un fait politique. Vous prenez... Dans les 20 premières années du téléphone portable, ce n'est pas un fait politique, c'est un fait économique. Et les antennes sont installées dans des endroits très, très prudemment et ils ont très, très peur. Et c'est au fur et à mesure que le taux d'adhésion au téléphone portable augmente que ça devient un fait. Oui, on rend les gens dépendants. addict même. Enfin, et il y a 45 minutes, là vraiment 5 minutes, mm-hmm. pour revenir alors à cette idée de obéir, désobéir, parce que là on a dressé un portrait un peu hein, de puissant, de monsieur, madame, tout le monde. Enfin, on a parlé de fou, mais ça va, ça tient la route. Hein, mais obéir, désobéir, vous pensez à qui là? Parce que vous m'avez parlé de Rockefeller, vous m'avez dit, au bout du bout, vous nous avez dit que. En fait, c'était de part et d'autre, en fait, que le monde change et tout. Et moi, je vous ai dit, mais non, c'est quand même là-haut que ça change beaucoup et qu'ils imposent un peu une manière de vivre que sur les gens qui n'ont pas de prise. Il n'y a pas toujours de prise. Et vous me dites, mais si, si, il y a quand même eu des prises. Oui, dans l'histoire, il y a eu des prises, heureusement. Mais regardons aujourd'hui, en 2024. Bon, là, il y a eu en France ce qui s'est passé avec Macron, la dissolution. Le type, il tient quand même à garder les rênes du pouvoir, là. Il y a le Front Populaire, le nouveau Front Populaire qui a gagné au deuxième tour. Vous voyez ça comment, vous? Parce que ça, ça a l'air... on perd quand même... Enfin, je veux dire, j'ai appelé monsieur, madame, tout le monde, c'est pas très joli comme nom, hein, mais les gens de peu, ils perdent quand même pas mal. Il faut quand même pour s'en sortir, aujourd'hui, c'est... Obéir, désobéir, moi je croyais que ça allait parler aussi de combat mené, de manière aussi de comment aujourd'hui il faut désobéir. J'ai le temps de le faire. Hein. Vous dites ? J'ai 20 séances, j'ai le temps de le faire. Ah ben je me doute. Mais là dans cette conversation, obéir, désobéir, je pense que ouais, ça intéresse beaucoup de gens parce que j'ai oublié de dire ça a cartonné hein, sur le réseau. Mm-hmm. Vous avez 200 likes, même plus je crois. Mm-hmm. Et je me souviens d'avoir participé à une réunion où l'intitulé était aussi « Obéir, désobéir », la désobéissance civile. Mm-hmm. Ça a cartonné sur le réseau, mais, mais dans la réalité, il n'y avait pas grand monde qui se sont déplacés. Mm-hmm. Mais donc, ça intéresse les gens quand même. Mm-hmm. Vous voyez, le fait de désobéir, le fait de... Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, là? Parce que ça commence à gonfler, quoi, voilà. Je vous laisse les mots de la fin, là. Ben, les mots de la fin, c'est que d'abord, ce sera un cours très interactif. Je dis les mots de la fin, mais vous pouvez développer. Il reste encore 3 minutes. Donc je ne serai pas le seul à avoir la parole. Je vais effectivement rappeler toute une série de choses qui ont été oubliées dans nos mémoires. Hein. La manière dont la sécurité sociale s'est imposée en Europe occidentale pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas après, c'est pendant. C'est pendant, c'est oui, ça change tout. Ça change tout. Ça change le fait que, à ce moment-là, il y a eu un sentiment chez les représentants des employeurs qui étaient restés en Belgique, ça se négocie à l'intérieur du territoire belge, hein. En France, ça se négocie à Londres. Et à ce moment-là, en Angleterre, on fabrique aussi le système de sécurité sociale qui est évidemment à l'abri de la poigne nazie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a chaque fois, dans chacune de ces trois dynamiques-là, une dynamique où les employeurs se disent « Il est plus important pour nous de sauver notre pays que de gagner... » une part de plus-value supplémentaire, on va redistribuer une part de la plus-value pour avoir des ouvriers obéissants. Et donc, effectivement, ils avaient très peur du communisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1944, au moment où le débarquement de Normandie se fait, tous les Européens occidentaux savent bien que l'armée nazie fait grosso modo 6 millions d'hommes. Ils ont 5 millions d'hommes sur le front russe et 1 million d'hommes pour protéger le reste de l'Europe contre l'invasion anglo-américaine. Et donc, effectivement, ils savent bien que ceux qui ont fait tomber Hitler, c'est pas les anglo-américains, c'est l'armée rouge. Et donc, là, il y a une vraie peur chez les dirigeants européens et ils se disent « il faut que les ouvriers soient de notre côté ». Et là, il y a une volonté à la fois patriotique et à la fois de gestion économique à long terme plutôt que de la plus-value à court terme. Et là, effectivement, il y a la mise en place de la sécurité sociale. Et ça, ce sont des rapports de force. Mais les rapports de force sont inimaginables s'il n'y avait pas eu, pendant des décennies, pendant des générations, des gens qui s'étaient affiliés à des syndicats, avec des combats de grève qu'ils ont perdus face à une armée qui tirait dans la foule. S'il n'y avait pas eu tout ça, tous ces petits pas, s'il n'y avait pas eu toute cette structure-là, cette institution, eh bien, il n'y aurait pas eu les rapports de force possibles pour négocier. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas effectivement une mise à égalité du poids de chaque capitaliste avec chaque travailleur ou personne mise au chômage, d'ailleurs. Hein. Pour Karl Marx, c'était la même chose, c'était juste l'armée de réserve du capitalisme, les chômeurs, mais c'était pas l'armée effective, c'était l'armée de réserve. Et donc, effectivement, c'est pas une mise à égalité, c'est rappeler le fait que il n'y a de capitalisme, même qui profite aux capitalistes, que s'il y a des consommateurs et des producteurs. Et c'est intéressant de voir dans l'analyse justement de sociologie historique à long terme maintenant, je pense à un bouquin que je trouvais génial de deux auteurs français, Pierre François et Claire Lemercier, qui avaient écrit une sociologie historique du capitalisme, et ils mettaient en premier chapitre la consommation. Comment la consommation populaire a ouvert des pistes d'investissement aux capitalistes et a fait que, par exemple, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, se répand dans toute l'Europe occidentale l'usage de produits d'Amérique. Le tabac, le café, le maïs, enfin toute une série de produits, la patate, hein, qui sont des produits qui viennent d'Amérique, qui viennent des Indiens d'Amérique, hein, et qui sont importés et qui transforment la façon de percevoir la réalité. Et tout cela avec, et là, vos interventions systématiques étaient vraiment bienvenues, avec évidemment un rôle de l'État qui transforme les règles, parce que les capitalistes au pouvoir s'arrangent pour que les règles soient plus en leur faveur qu'en leur défaveur. Et c'est super intéressant de voir que, par exemple, aux États-Unis, le concept même de propriété privée, donc défendable par le juge, donc, hein, a évolué entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment du travail de sociologie du droit, et une sociologie historique du droit qui permet de voir qu'il y a eu une modification chez les décideurs de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, ça vient effectivement de rapports de force, mais les rapports de force s'arc-boutent sur la réalité sociale. Et la réalité sociale peut faire que parfois, il y ait effectivement des tentatives de prise de pouvoir qui ne marchent pas. Heureusement d'ailleurs, mais ici, j'entendais, ben on doit couper, hein, de toute façon, mais il y a le, je sais plus comment on dit, le zapatisme, c'est ça? Oui, le zapatisme, oui, dans au Mexique. Au Chiapas, oui. Ouais, j'écoutais Chiapas, hier l'histoire un peu de comment ça s'est mis en place, en 1994, c'est pas non plus, vous voyez. Et en même temps, ça date d'avant, hein, parce que je me souviens d'un article en 1994. Un jeune Européen à l'époque qui avait été là, et le titre de son article, c'était au Chiapas, les paysans ne soutiennent pas les zapatistes, ils sont zapatistes. Et donc, je veux dire, c'est assez intéressant, quoi, parce que ça veut dire que quand il y a un mouvement structuré, basé, c'est ça qui est intéressant sur le zapatisme, ça revient à une série d'objections que vous aviez amenées, mais qui pour moi n'étaient pas des objections. Le zapatisme s'appuie à la fois sur un mouvement ancestral, précolombien, avant l'arrivée des Espagnols, et en même temps sur une vision très moderne de ce qu'est une lutte politique, de ce qu'est l'émancipation, quoi. Oui, qu'est l'émancipation. C'est une vue très moderne, je dirais même post-moderne, de l'émancipation. Ouais, non, c'est super intéressant. Merci Pierre Vergent. Ça va? Ça va être marrant de réécouter, hein, parce qu'on a vraiment tchac, tchac, tchac. Vent l'eau. Vent l'eau.